tous ceux qui sont sous la place, tous ceux qui Guadeloupe, tous ceux qui Martinique, aïe aïe aïe aïe aïe, tous ceux qui sont sous la place, tous ceux qui africains, tous ceux qui antillais, attention, abaye qui molle, abaye qui red, aïe, abaye qui molle. Abaye qui molle, abaye qui red. Tous ceux qui sont sous la place, tous ceux qui Guadeloupe, tous ceux qui la Réunion, aïe, tu mets pour là. Tous ceux qui africains, tous ceux qui antillais, tous ceux qui Martiniquais.